jours sont comptés, le destin est tracé. Malgré cette lumière, une ombre nous emmène. L'ange nous soulève, le démon nous entraîne. Des choses de l'infini, et qui dit c'est fini. L'ange, tu es l'ange.